الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Nous allons répondre à l'ambiguïté sur leur argumentation par ce qu'a fait Youssouf au point où ils ont dit que Youssouf est devenu ministre du régime du roi d'Égypte. Premièrement, chapitre, citation de quelques preuves et indices montrant l'islam du roi d'Égypte à l'époque de Youssouf. Mujahid a dit « Le roi à l'époque de Youssouf est devenu musulman ». Certains argumentent que Youssouf a accepté la responsabilité sous la gouvernance du roi d'Égypte, alors que celui-ci était un taroute, et nul doute que cela est faux, d'après les preuves que nous allons citer. Mais avant cela, il faut connaître la véritable nature des pharaons et la vraie nature de la mission des prophètes. Premièrement, la véritable nature des pharaons. Les pharaons étaient rois en Égypte, et à cette époque, tout roi était appelé pharaon, tout comme tout roi à l'époque romaine était appelé César. Et tout roi à l'époque persane était surnommé Koro. Et tout roi qui gouvernait l'Abyssinie était connu sous le nom de Négus. Le système des pharaons était un système de Tarout, car ceux-ci s'attribuaient Arboubiya. Et ils étaient adorés en dehors d'Allah. La preuve est dans la parole d'Allah. Et Pharaon dit, ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Amen, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour. Peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. Sourate 28, verset 38. Allah dit à propos de Pharaon, rassembla les gens et leur fit une proclamation et dit, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Sourate 79, verset 23-24. La preuve que Pharaon à l'époque de Youssouf était une idole adorée en dehors d'Allah se trouve dans la parole de Youssouf à ses compagnons de cellule. Oh mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur ? Des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate 12, verset 39-40. Et la parole d'Allah. Ainsi suggérâmes-nous cet artifice à Joseph, car il ne pouvait pas se saisir de son frère. Selon la justice du roi. Sourate 12, verset 76. Et ceci est une preuve que les gens à l'époque de Youssouf alayhi salam prenaient des seigneurs avec Allah ou les associaient à Allah. Et parmi les sortes d'associations que l'on trouvait à cette époque, il y avait de l'association dans la gouverne du pays. Le pouvoir appartenait au pharaon à l'époque de Youssouf alayhi salam. Il possédait la gouverne absolue ainsi que la législation absolue, alors que ceci n'appartient qu'à Allah. Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Sourate 12, verset 40. Et ceci a été adressé à ses deux compagnons de prison. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah, il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate 12, verset 40. Nous avons connu la véritable nature de leur association qui s'est manifestée par la mise en place de législateurs et de gouverneurs en dehors d'Allah. C'est une sorte d'association et de mécréance chez eux, parmi d'autres. Nous savons forcément que le pharaon de cette époque avait le même statut que les autres pharaons, car ils étaient concernés par la révélation. Deuxièmement, la véritable nature de la mission des prophètes est de mécroire à Tarout et de croire en Allah. Allah a dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Sourate 16, verset 36. Les prophètes sont venus concrétiser ce principe et cette base, c'est-à-dire le rejet de At-Tarut et la croyance en Allah. Alors comment peut-on dire de Youssouf alayhi salam qu'il était ministre chez quelqu'un qui s'attribuait à Rububiyya? Comment peut-il être ministre chez celui qui prétend être un très haut seigneur? Comment ce prophète pourrait-il accepter d'être ministre chez quelqu'un qui s'attribue la seigneurie à Rububiyya, alors qu'il lui a été ordonné de rejeter At-Tarut? Nul doute, en analysant les versets ambigus dans ce sujet, sous la lumière des versets clairs, que l'on trouve que les deux sens sont possibles. Premier sens, il était un prophète envoyé par Allah sous le commandement de quelqu'un s'attribuant à Rububiyya. Deuxième sens, Youssouf alayhi salam a prêché le gouverneur et il l'a appelé à l'unicité d'Allah. Alors le roi a accepté, et ce n'est qu'après cela que Youssouf alayhi salam a dit, et Joseph dit, « assigne-moi les dépôts du territoire. Je suis bon gardien et connaisseur. » Sourate 2, verset 55. Les deux sens sont possibles, et c'est de cette ambiguïté dont Allah parle. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah, mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » Sourate 3, verset 7. Il est nécessaire de se référer aux versets clairs pour comprendre les versets ambigus. Et parmi les versets clairs dans le livre d'Allah, les versets qui indiquent que les prophètes ont été envoyés afin de s'écarter de l'association et de désavouer les tawarites. On trouve Yusuf alayhi salam déclarant son suivi à la religion de son père Ibrahim. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Et il ne convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Sourate 12, verset 38. Et la religion d'Ibrahim alayhi salam est le désavouement du Tawhid. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, « Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Exception faite de la part d'Ibrahim adressée à son père. J'implorerai certes le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance et à toi nous revenons, repentant, et vers toi est le devenir. » Sourate 60, verset 4. Allah nous a cité la parole d'Ibrahim alayhi salam à son peuple. Il dit, « Que dites-vous de ce que vous adoriez ? Vous et vos vieux ancêtres, ils sont tous pour moi des ennemis, sauf le Seigneur de l'univers. » Sourate 26, verset 75. La religion de Yusuf alayhi salam est la religion d'Ibrahim. Et Ibrahim alayhi salam a désavoué les Tawarites. Alors comment serait-il possible que Yusuf alayhi salam soit le bras droit du Tawarit ? Comment ce noble, fils de noble, celui qui était infaillible, qui a été envoyé pour croire en Allah seul et pour s'écarter des Tawarites et les désavouer, peut-il être comme cela? Ceci d'une part. D'autre part, Allah dit, et le roi dit, « Amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. » Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit, « Tu es dès aujourd'hui près de nous en une position d'autorité et de confiance. » Sourate 12, verset 54. La parole du roi, « Amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. » fut dite après que le roi a su que Yusuf alayhi salam interprétait les rêves et annonçait ce qu'il allait se passer. Et cela est un miracle de prophète. Après que le roi a su qu'il était honnête et non pervers, après que le roi a pris connaissance de la personnalité de Yusuf alayhi salam, il dit « Amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. » C'était comme si le roi voulait bénéficier des conseils et de la sincérité de Yusuf alayhi salam. L'imam al-Qasimi a cité dans son tafsir la divergence des savants par rapport à la parole d'Allah. Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit « Tu es aujourd'hui près de nous dans une position d'autorité et de confiance. » Sourate 12, verset 54. La parole ici a été dite par le roi. Cependant, un autre avis dit que c'était Yusuf alayhi salam qui s'exprima. Et ce que nous croyons, Allah est le plus savant, et selon le contexte du verset, que Yusuf alayhi salam est celui qui a commencé à parler au roi. Après cette discussion, le roi dit « Tu es aujourd'hui près de nous dans une position d'autorité et de confiance. » Et le secret dans l'histoire de Yusuf, l'acceptation du roi à lui donner le gouverne, repose sur « Et lorsqu'il lui eut parlé ». Cela explique qu'il s'est déroulé une discussion entre Yusuf alayhi salam et le roi, entre un prophète et un tarout, entre une personne qui s'attribue à Rububiya et un prophète qui déclare son suivi à la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et l'on se demande, lorsqu'il s'agit d'une discussion entre un tarout et un prophète, de quoi le prophète parlerait-il? Nul doute que Yusuf alayhi salam a expliqué l'islam au roi, et nul ne doute que celui qui prêche l'islam en prison au moment de sa faiblesse prêcherait le roi après que ce dernier eut vu son miracle et profita de l'occasion afin de prêcher à Tawahid, à Tarout. C'est ce que Yusuf alayhi salam fit et ce que Moussa alayhi salam avant lui accompli lorsqu'il rencontra Pharaon. Allah dit « Ô Pharaon, je suis un messager de ta part. » Et Moïse dit « Ô Pharaon, Je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je ne dois dire sur Allah que la vérité. Je suis venu avec vous avec une preuve de la part de votre Seigneur. Laisse-moi donc partir avec moi les enfants d'Israël. Sourate 7, verset 104-105. Comme Ibrahim a.s. lorsqu'il rencontra le Nemrud, Allah a dit « N'as-tu pas vu l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur ?» Ibrahim ayant dit « J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. » « Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. » Alors dit Ibrahim, « Puisqu'Allah fait venir le soleil, du levant, fais-le donc venir du couchant. » Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Sourate 2, verset 258. Lorsque le roi prit connaissance du tawhid pur de la part de Yusuf, il l'accepta alors et dit, « Tu es aujourd'hui près de nous dans une position d'autorité et de confiance. » Quand il le qualifia de digne de confiance, le roi reconnut alors Yusuf a.s. comme prophète et prit l'islam comme religion. La preuve qu'il eut cru est apparente lorsque celui-ci lui donna tout le pouvoir sur l'Égypte. De plus, la signification du mot « confiance » veut dire qu'il l'a cru et le mot « autorité » signifie qu'il s'est soumis à Yusuf a.s. et tout pousse à croire que le roi a accepté l'islam. On ne peut pas imaginer qu'un prophète parle d'économie avant de parler du tawhid lorsqu'il discute avec At-Tarut. Mais parler d'économie vient après, comme on le trouve dans le verset 55 de la sourate 12. Et la preuve que Yusuf a.s. avait le plein pouvoir sur l'Égypte et qu'il instaura la loi d'Allah et qu'il s'est attribué ce plein pouvoir à lui-même. Allah a dit « Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Yusuf dans ce territoire et il s'y installait là où il voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. » Sourate 12, verset 56. Si l'on analyse les versets qui évoquent l'autorité dans le Coran, on trouvera que la nature de cette autorité est l'instauration de la loi d'Allah. Allah a dit, « Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donnée à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leurs anciennes peurs en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien. Et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. » Sourate 24, verset 55. Et il dit aussi, « Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, acquittent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Allah. » Sourate 22, verset 41. Allah a déclaré que l'autorité de Yusuf a.s. était inspirée de lui et a considéré cela comme miséricorde. Une autorité semblable est l'autorité apportée par la religion. Troisièmement, la preuve que la loi d'Allah était instaurée et appliquée est dans la parole d'Allah. Ainsi, suggérâmes-nous cet artifice à Joseph. Car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi. Sourate 12, verset 76. Cela veut dire dans sa loi et dans son pouvoir. On ne peut pas comprendre que Yusuf a.s. appliqua la loi d'Allah pour un seul événement et que, mis à part cela, il jugeait avec la loi du Tarout. Qui plus est, Allah a dit que Yusuf a.s. avait une autorité totale et si la loi du Tarout était celle qui régnait, dire que Yusuf a.s. avait de l'autorité serait erroné car ce serait l'autorité du Tarout. Quatrièmement, quelle est la raison de la présence de Yaqub en Palestine ? Ibrahim a.s. s'est éloigné des associateurs en allant en Palestine. Après Ibrahim a.s., il y a eu Ishaq a.s. et après Ishaq a.s., vint Yaqub a.s. Puis les enfants d'Israël, les fils de Yaqub a.s. La cause pour laquelle Yaqub a.s. était en Palestine est un acte d'adoration qui est de s'écarter des associateurs et des tawarides connus sous le nom de Hijra. Allah dit sur Ibrahim a.s. lorsqu'il parla à son père et à son peuple. « Je me sépare de vous, ainsi que de ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. » Sourate 19, versets 48, 49, 50. Lorsque Yusuf a.s. demanda à son père et à ses frères d'émigrer vers l'Égypte, celle-ci devait forcément être une terre d'islam après la conversion à l'islam de son roi, car Yaqub a.s. ne pouvait jamais délaisser l'émigration de son père Ibrahim a.s. pour demeurer sur une terre de mécréance sous le régime du Tarout. Cela est un indice percutant, poussant à croire que le roi d'Égypte accepta l'islam. Son territoire devint alors une terre d'islam, et c'est ce qui permit à Yusuf d'inviter son père à venir habiter en Égypte. Dès que l'Égypte redevint une terre de mécréance, Allah envoya Moussa a.s. à Pharaon et l'appela à adorer Allah. Il lui demanda de délaisser les enfants d'Israël émigrer une autre fois. Allah a dit, et Moïse dit, ô Pharaon, je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je ne dois dire sur Allah que la vérité. Je suis venu à vous avec une preuve de la part de votre Seigneur. Laisse donc partir avec moi les enfants d'Israël. Sourate 7, verset 405. Ceci est une preuve claire que le roi d'Égypte devint musulman. La parole de Mujahid déjà citée est l'avis le plus juste qui fut soutenu par plusieurs preuves. Quant à celui qui argumente la mécréance du roi par le verset 76 de la sourate 12, ainsi suggérâmes-nous cet artifice à Joseph, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi. C'est-à-dire dans son jugement et dans sa législation. Son argumentation est fausse car la preuve doit exprimer une certitude par rapport à son existence et à son sens. Mais ici, le verset peut avoir différentes compréhensions. Allah dit, ainsi suggérâmes-nous cet artifice à Joseph, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi. Il ne pouvait pas s'emparer de son frère selon la loi de l'ancien roi, qui était la loi en vigueur avant l'entrée en islam du roi. Le verset peut être compris autrement, et la règle stipule que si l'argument possède plusieurs allusions dans son sens, il n'est plus valide en tant qu'argument. À la lumière de tout cela, notre référence repose essentiellement sur les versets clairs et non sur les versets ambigus. Ce qui est clair concernant ce sujet a déjà été cité, tout comme ont été mis en avant les indices et preuves confirmant l'islam du roi d'Égypte.